Tous les textes bibliques contenus ici sont libres de droit. Vous pouvez les réutiliser, et les diffuser, sans mon autorisation. Vous pouvez lire, ou télécharger gratuitement une copie de la Bible David Martin 1855, sur le site web de Desmond Ocher, à www.dieuenligne.com. La Bible David Martin 1855. Le Nouveau Testament. Le Saint-Évangile selon Saint Matthieu. Matthieu chapitre 1. Le livre de la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, et Isaac engendra Jacob, et Jacob engendra Judas, et ses frères. Et Judas engendra Pharès et Zara, de Tamar, et Pharès engendra Esrom, et Esrom engendra Aram. Et Aram engendra Aminadab, et Aminadab engendra Nasson, et Nasson engendra Salmon. Et Salmon engendra Boz, de Rachab, et Boz engendra Obed, de Ruth, et Obed engendra Jessé. Et Jessé engendra le roi David, et le roi David engendra Salomon, de celle qui avait été femme d'Uri. Et Salomon engendra Roboam, et Roboam engendra Abia, et Abia engendra Asa. Et Asa engendra Josaphat, et Josaphat engendra Joram, et Joram engendra Ozia. Et Ozia engendra Joatam, et Joatam engendra Achaz, et Achaz engendra Ézéchia. Et Ézéchia engendra Manassé, et Manassé engendra Amon, et Amon engendra Josia. Et Josia engendra Jachim, et Jachim engendra Jéchonia, et ses frères, vers le temps qu'ils furent transportés à Babylone. Et après qu'ils eurent été transportés à Babylone, Jéchonia engendra Salatiel, et Salatiel engendra Zorobabel. Et Zorobabel engendra Abdu, et Abdu engendra Eliakim, et Eliakim engendra Azor. Et Azor engendra Sadoc, et Sadoc engendra Hachim, et Hachim engendra Eliu. Et Eliu engendra Éléazar, et Éléazar engendra Matan, et Matan engendra Jacob. Et Jacob engendra Joseph, le mari de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Ainsi toutes les générations, depuis Abraham jusqu'à David, sont 14 générations, et depuis David jusqu'au temps qu'ils furent transportés à Babylone, 14 générations, et depuis qu'ils eurent été transportés à Babylone jusqu'au Christ, 14 générations. Or la naissance de Jésus-Christ arriva en cette manière, comme Marie, sa mère, eut été fiancée à Joseph, avant qu'ils fussent ensemble elle se trouva enceinte par l'opération du Saint-Esprit. Et Joseph, son mari, parce qu'il était juste, et qu'il ne la voulait point diffamer, la voulut renvoyer secrètement. Mais comme il pensait à ces choses, voici, l'ange du Seigneur lui apparut dans un songe, et lui dit, « Joseph, fils de David, ne crains point de recevoir Marie, ta femme, car ce qui a été conçu en elle, est du Saint-Esprit. Et elle enfantera un fils, et tu appelleras son nom Jésus, car il sauvera son peuple de leurs péchés. » Or tout ceci est arrivé afin que fût accompli, ce dont le Seigneur avait parlé par le prophète, en disant, « Voici, la Vierge sera enceinte, et elle enfantera un fils, et on appellera son nom Emmanuel, ce qui signifie, Dieu avec nous. » Joseph étant donc réveillé de son sommeil, fit comme l'ange du Seigneur lui avait commandé, et reçut sa femme. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté son fils premier-né, et il appela son nom Jésus.